Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. C'est la chronique de chasse avec notre ami Mathieu Roy. C'est la dernière chronique puisque ça se termine aujourd'hui. Salut Mathieu. Bon matin. Bonjour Danny. Mathieu, ça a été une bonne année, je pense, pour les ici, en tout cas au sein de Lac-Saint-Jean. On va voir les chiffres. Normalement, ça sort en décembre, mais il me semble que c'était une maudite bonne année. Ben écoute, on en a parlé un petit peu la semaine passée, puis à date, depuis le début de la saison, on a vu des belles récoltes un peu partout, puis je te dirais que ça s'est continué encore dans votre coin, mais à travers la province aussi. Je pense que les gens sont plus qu'enchantés. Moi, je regarde sur mes réseaux sociaux, puis je vois énormément de monde qui montre leur récolte, leur beau gibier qu'ils ont récolté cette année. Fait que oui, effectivement, on peut dire que c'est une belle saison. Mais tu sais, là, la chasse à l'orignal termine, mais c'est pas fini. Il reste la chasse au chevreuil en novembre. Là, oui. Là on a une petite accalmie de 2-3 semaines, là, mais là, on va tomber après ça dans le chevreuil. Là. Mais il me semble que la chasse au chevreuil, c'est moins populaire. Ben, t'as raison, parce que historiquement parlant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas une région de chasse au chevreuil. OK? Vous êtes une région de chasse à l'orignal. Mais il y a quand même beaucoup de chasseurs de ton coin, de votre coin, qui vont partir puis qui vont aller dans d'autres territoires de chasse, qui vont aller dans des pourvoiries pour aller chasser le chevreuil, qui vont aller à Anticosti, qui vont, tu sais. Donc, oui, c'est vrai, vous avez votre gang de chasseurs d'orignaux, mais vous avez aussi une population qui va chasser le chevreuil ailleurs sur le territoire. Parce que même si sur la rive nord du Saint-Laurent, maintenant, le chevreuil monte, je peux pas dire que vous avez du chevreuil au Lac-Saint-Jean non, là, en quantité. Non, non, non. Il y en a peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Là. C'est un peu comme... je te dirais que je comparerais le Saguenay-Lac-Saint-Jean à une région comme le Bas-Saint-Laurent, où à la base, on est des chasseurs, c'est des chasseurs d'orignaux. Mais là, maintenant, il commence à avoir un petit peu de chevreuil. Je te dirais que dans votre coin, ben, il y a des chasseurs, tu sais, alentour du lac, c'est des chasseurs d'oiseaux migrateurs, beaucoup. Parce que depuis quelques années... Vous avez la chance de faire partie du couloir migratoire. Donc, il y a beaucoup d'outardes, il y a de l'oie blanche. Tu as de plus en plus de chasseurs d'oiseaux migrateurs qui sont dans votre coin. T'sais? Alors que nous, dans la région de Québec, puis tu sais, moi, je viens d'une ville proche de Québec qui s'appelle Montmagny, qui était normalement reconnue comme étant la capitale de l'oie blanche. Ben, c'est plate, là, mais c'est il y a pas mal moins d'oies blanches maintenant dans ce coin-là qu'il y en avait auparavant, parce que les corridors migratoires ont changé. Okay. Et le gibier s'est trouvé d'autres endroits pour s'alimenter, dont entre autres chez vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Mais ça a du bon, le fait qu'il y ait un peu moins de chasseurs dans le bois parce que votre chasse à l'orignal est terminée, ben là, ça va permettre à d'autres amateurs de chasse de retourner faire un tour dans le bois, c'est-à-dire les amateurs de chasse au petit gibier, perdrix, lièvres. Eux autres, ils étaient depuis quelques semaines, là, il n'y avait rien à faire parce que le bois était envahi de chasseurs à l'orignal. Donc, les chasseurs d'orignaux ne voulaient pas se faire déranger par des chasseurs de perdrix. Donc là, au moins, le calme est revenu. Les chasseurs de perdrix vont pouvoir rentrer dans le bois en sécurité. Même juste les randonneurs, les gens qui aiment ça aller marcher dans le bois, vont pouvoir le faire sans trop de problèmes. Sans risquer de rentrer dans le territoire de chasse de quelqu'un puis de se faire tirer des tomates parce que la personne n'est pas contente parce que tu es allé marcher. Ouais. Ben Mathieu, merci beaucoup de ta collaboration tout au long de la saison. C'est fort agréable. Je connais pas la chasse, mais au moins, on voit que tu es un passionné de chasse. Puis je pense que tu as influencé beaucoup, beaucoup de monde encore une fois. Puis salutations à ton père Claude. Je n'y manque pas. Ça me fait plaisir, Danny. Bonne saison, tout le monde. Mathieu Roy, notre collaborateur de chasse.